Voilà, Génération Manga, épisode 511. Et oui, déjà. Et oui, donc Chris est là. Salut. Normalement, on attend Kenny d'une seconde à l'autre pour nous faire un topo sur Paris Manga qui avait lieu ce week-end. Voilà. Alors, bah, bon, toi, tu y étais, donc tu vas déjà pouvoir commencer à nous en parler. On va vous parler de tout ça, il y a plein de choses à dire, il y a beaucoup de négatifs. ça, c'est bizarre. Donc, j'aurais deviné. Hein. J'y étais pas, mais j'ai comme senti. Il y a beaucoup de négatifs, d'ailleurs. Par contre, il y a eu beaucoup de monde, d'après ce que j'ai vu. Ça s'en donne à cœur joie, et sur les forums, et sur la page donc, officielle Facebook de Paris Manga. Bien qu'ils aient, depuis hier soir, fait le ménage et supprimé quelques commentaires gênants. Il en reste quand même encore pas mal et même s'il y a eu quelques bons événements, donc ça on le fera à la fin. On garde le meilleur pour la fin. Voilà, exactement. Beaucoup de négatifs et de choses à dire. Bon, le professeur Rollin, toujours quelque chose à dire. Exactement. Alors nous sommes dans la semi-pénombre dans le studio, c'est quand même formidable. Ah oui, il y a un néon qui a pété. Mister Eddy qui est en régie et qui lui a de la lumière. Heureusement parce que sinon j'aurais du mal avec les boutons. Voilà, si je vois pas. Dans la partie donc. Dans l'aquarium. Studio donc pour les animateurs, on est dans la semi-pénombre. Heureusement, on a le honneur rouge qui nous éclaire un petit peu. C'est assez drôle. Ça n'influencera en aucune façon votre façon de procéder de toute façon, vous êtes des warriors hein. Donc avant de faire ce fameux compte rendu, puisque c'était l'un des événements salon manga de cette année 2016, peut-être une petite musique, là, histoire de se mettre en condition. Ah ouais, de laisser le temps à Kenny d'arriver. Voilà, notre invité. Puisque c'est comme ça, il l'aura bien cherché, je vais vous passer du Annie Cordy, elle est blanc. C'est Cadichon. Du Annie Cordy, c'est rare, c'est toi la première fois, je pense, Génération Manga. Alors c'est pour vous dépayser avant d'être c'est dans le ça. Vif du sujet. C'est Cadichon, parce que Cadichon, c'est un personnage de dessin animé. De dessin animé qui passait à l'époque sur Canal+. Ah bah tu en sais même plus que moi, alors vas-y, parle-moi de Cadichon. C'était une coproduction française, ça passait sur Canal, donc c'était tiré un petit peu de décompte, hein, puisque Cadichon, bon, c'est un bouquin. Âne, un cheval, je sais pas. C'est un âne. Effectivement, c'était plutôt mignon, bien réalisé. Et effectivement, Annie Cordy s'était fendue du fameux générique, tout mignon qu'on pouvait retrouver pour la première fois sur la compilation Télé 80 en l'occurrence dédiée à Annie Cordy, puisque c'était sorti uniquement à l'époque en 45 tours. Voilà. Et donc sachez que cette compilation est toujours disponible hein, auprès de Télé 80 si vous la voulez. Voilà. Avec d'autres chansons de héros, hein, c'est ça. Il y a aussi des dramas. Hein, oui. Il y a des paroles avec les bonnes vieilles voix des comédiens que nous affectionnons tout particulièrement. Alors Cadichon et puis après peut-être Kenichon. Après Cadichon et Kenichon. C'est parti. Cadichon. Un jour peut-être, hein, c'est très loin à démarrer. Alors, tu veux pas Cadichon, ça te plaît pas Cadichon? Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ça cherche. Petit âne aux yeux marrons, c'est mon ami Cadichon. Toujours prêt à rendre service. Il est très intelligent, c'est un âne très savant. Il adore petits et grands. Petit âne aux yeux marrons, c'est mon ami Cadichon. Toujours prêt à faire des niches. Il ne connaît pas la peur, il apporte le bonheur. Cadichon, petit âne au grand cœur. Au château de la Herpinière, par un beau soir d'été, il nous raconte ses mémoires, ses exploits extraordinaires par Maître Jacques Dessiné. Mais vous n'allez pas le croire. Petit âne aux yeux marrons, c'est mon ami Cadichon. Toujours prêt à rendre service. Il est très intelligent, c'est un âne très savant. Il adore petits et grands. Petit âne aux yeux marrons, c'est mon ami Cadichon. Toujours prêt à faire des niches. Il ne connaît pas la peur, il apporte le bonheur. Cadichon, petit âne au grand cœur. Il ne connaît pas la peur, il apporte le bonheur. Cadichon, petit anneau grand cœur. C'est mon ami Cadichon. Ah, ça, je l'avais jamais passé ce truc-là. Hein. Oui, ah bah, c'était le collecteur du jour. Là, ça vous apprendra. Tandis que Kenny se fait toujours attendre. Ça, c'est forcément. Hein. Kenny Show, toujours en retard. L'heure, c'est l'heure, mon petit gars. Qu'est-ce que tu veux? Bon. Donc, en attendant qu'il daigne arriver, je vous propose qu'on se fasse un petit coup de pole position. Allez, c'est moi qui chante sur une version instru que vous connaissez peut-être pas. Et on se retrouve tout de suite après ça. Oui, oui. Et à tout cœur, toujours là quand il faut. C'est au nom de la loi qu'ils poussent leurs chevaux à vitesse turbo. Prêts à tout, audacieux, courageux, ils foncent aussitôt. Arrivant juste à temps pour être les vainqueurs pour le dernier saut. Pole position, qui peut dire qui ils sont? Pole position, telle est leur vraie mission. Pole position, et qui en est le cerveau? Ouais oh, ouais oh, ouais oh, ouais oh, ouais oh. Dan, dan, dan, dan. Et voilà. Pole position. C'est vraiment dommage hein, qu'on n'ait pas la version longue de pole position. Ça serait quand même tellement bien, tellement bien. Alors, j'ai reçu une demande d'un auditeur. Oui, il y en a. pour que je lui chante la légende d'Actarus. Donc, je te ferai ça tout à l'heure. Il n'y a pas de sushi. Voilà. Émilie, en l'occurrence. Donc, coucou, Émilie. Donc, tu auras donc... La légende d'Actarus tout à l'heure, dans peu de temps. Alors, j'ai une petite information par rapport à Cadichon. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est tiré des mémoires d'un âne de la comtesse de Ségur. Mais bon, j'imagine que Chris était au courant. Et... D'ailleurs, il m'a appris aussi hors antenne que la version longue est différente de la version télé, qui était donc passée jadis au temps de la guerre sur Canal+. Chris. Voilà, exactement. En fait, on avait droit à une version balade, on va dire, à la télé. Balade. C'est-à-dire sans la partie rythmique derrière, batterie comme vous avez pu entendre, uniquement le petit accompagnement avec la voix d'Annie Cordy, style un petit peu acoustique, c'était plutôt sympa. Dommage qu'on n'ait pas eu cette version sur le donc CD de télé 80. Et donc même à l'époque, le 45 tours, il y avait cette version-là. Le 45 tours, c'est la version que tu as entendue. D'accord. Bah, je ne l'ai pas ce disque, hein. Je ne savais même pas qu'il existait pour tout vous avouer. Donc on ne sait pas tout. Avec une face B complètement anecdotique, mais bon. Ah bah j'imagine, mais enfin bon, bref, tout c'est... Une autre chanson d'Annie Cordy qui est en rapport avec la série, mais qu'on n'entend pas dans la série, vois-tu. Mais c'est quand même un minimum de rapport alors. Oui, ça parle de Cadichon. Ça parle de Cadichon, bah, c'est déjà ça. Alors, bah, il faudra que je parte en quête, alors, de ce truc. Voilà, notre ami Kenny est donc en route. Il est en train de... Il est dans les embouteillages. Voilà, exactement. Ça veut dire ça. C'est donc, pas vrai, mais ça fait rien. Nous allons donc... Donc, on va commencer à descendre Paris Manga. Hein. Alors, descendre, je sais pas, mais... bah, apparemment, ça avait l'air assez négatif. Alors, moi, je ne sais pas. Il y a pas mal de... De bémol. J'ai un bémol. De bémol, effectivement. Alors, déjà, la première chose, ils ont eu la mauvaise idée, je dis bien la mauvaise idée. Alors, après, je ne sais pas si, pour des raisons de calendrier, de disponibilité de salle, ils ne pouvaient pas faire autrement, mais de mettre ce salon, alors qu'il y en avait quatre autres, juste dans le même secteur, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Porte de Versailles, vous avez plusieurs halls, si vous voulez, et dans les différents halls, mais ils sont à côté, hein, donc ça pose les mêmes problèmes logistiques, on va dire. Il y avait différents donc, salons, dont un dédié aux voitures, etc. Donc, évidemment, un embouteillage monstre de 9h du matin jusqu'à tard dans la journée. C'était pas ça, quoi. Donc, si vous n'arriviez pas rapidement, c'était compliqué, sachant que c'est même du vécu, en étant... Ça, alors, oui, c'est du vécu. Sachant que même en étant assez tôt, on va dire, près de la porte de Versailles, vous aviez droit quand même à une heure pour les plus chanceux d'embouteillage. Oui, mais cela dit, quand j'y suis allé l'année dernière, c'était la même. Voilà. J'ai même vu des témoignages, genre là, c'est, ça craint un petit peu pour certains fans qui, donc, je ne sais pas à quelle heure sont arrivés, mais sont restés quand même bloqués pendant plus de 3 heures dans les embouteillages. Ah oui. Qui, lorsqu'ils ont réussi à se, on va dire, se séparer un petit peu des embouteillages, n'ont pas trouvé de place puisque les parkings à disposition étaient bondés et ont dû faire demi-tour. Ouais, c'est super. Donc super, ils n'ont pas pu faire la convention, ils sont très en colère d'ailleurs, ils sont plusieurs dans ce cas. Donc j'imagine que les gens qui avaient pris des options photoshoot par exemple ou dédicaces, bah, sachant que ce n'est pas remboursé, ils ont dû passer un très mauvais week-end. Donc là, gros carton rouge moi, déjà à Paris Manga, parce que certes ce ne sont pas eux qui gèrent les parkings, mais ils auraient pu au moins donner des informations à savoir où se situent les parkings, ce qui n'est absolument pas indiqué sur leur site, ou indiquer peut-être des petites astuces, comment faire pour arriver, on va dire, dans de meilleures conditions. Oui, des conditions optimum. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dès 11h30 le matin, les parkings étaient tous bondés, sachant qu'il y a 3 parkings à disposition pour 4 salons au secours, dont un qui est réservé uniquement aux gens qui sont abonnés, donc qui sont là en permanence dans l'année dans Paris, si vous d'accord, qui ont une carte d'abonnement. Oui, qui habitent donc par ça là, limitait beaucoup pour les fans du salon. Et donc, il fallait tenter, en ayant beaucoup de chance, son petit bonheur la chance, en faisant un petit peu toutes les rues autour des halls pour trouver une place et se garer un peu n'importe comment. Ah ouais, je sais, l'année dernière, déjà, on avait donc tourné déjà, une bonne gros heure bémol. Et demi. Ouais. Alors, deuxième gros et bémol. Bon, ça, c'est en dehors de Paris Manga, on va dire. Oui, mais enfin, bon. Ouais. Ils auraient pu quand même faire un petit effort par rapport à ça. Donc, déjà, l'accès était compliqué. Après viennent donc les files d'attente. Alors, à quoi servent les préventes, on se le demande. Puisque, en fait, les gens qui avaient pris des préventes se sont retrouvés au milieu du flux de gens qui n'avaient pas de tickets et donc ont attendu autant alors qu'ils devaient rentrer forcément avant. Je sais pas si tu vois un peu le truc. Oh oui, bah oui. Donc, mais... c'est un deuxième carton rouge parce que ça sert à quoi de prendre des préventes? Ouais, bah, ah, ça, je me tue à l'expliquer, ça, hein, que ça sert à rien de prendre des préventes. Mais bon, on m'écoute pas comme d'habitude, donc voilà. Je dis ça, je dis rien, moi. Bon, enfin, donc on va profiter que Kenny est arrivé, qu'il faut qu'il s'installe, toujours à côté du poil, pour, pour faire ma petite dédicace, parce qu'on risque de plus avoir le temps après. Donc voilà, Emile, tu m'as demandé voilà, la légende de Goldorak. Vous voyez déjà la prémisse, hein, voilà. Le salon n'a pas le commencé l'arrivée, déjà c'est catastrophique, voilà. Vous allez voir la suite. Ça n'a pas commencé, que c'est déjà la merde. C'est donc déjà on en parle juste après la on pub. On en parle juste après, avec tous les détails. Voilà, c'est parti. Là-haut, là-haut, très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Il rêvait de notre Terre, la planète bleue, dont il voyait la lumière à 100 000 lieues. Là-haut, là-haut, loin dans les étoiles, la grande guerre éclata. Et ce fut l'assaut final de ceux de Vega. Actarus alors s'enfuit, vaincu solitaire, à travers les galaxies de notre univers. Dans son merveilleux robot de lumière et d'acier, ce chevalier des temps nouveaux se bat pour l'humanité. Actarus à bord de Goldorak, voici la légende que l'on va vous raconter. Tagalon. Alors, Kenny, raconte-nous la légende de Paris Manga avec Chris. Donc, salut à tous. Donc, ça fait plaisir de retrouver tout le monde ici à la famille donc, de Génération Manga. Donc, effectivement, je rejoins donc tout à fait Chris sur ce Paris Manga édition 2016. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, ceux qui nous suivent depuis plusieurs années, donc merci encore pour votre soutien, votre fidélité. Donc, on était resté sur un super Paris Manga, rappelle-toi, Arcangel. Oui. L'an dernier, avec nos amis donc Bioman, donc Force Rouge, Force Rose et Lily Shaivan alias Spilvan pour les intimes. Ah oui, bien sûr. Donc, c'était vraiment un super souvenir. Donc j'ai vu que tout le monde a partagé ma vidéo. C'est vraiment super sympa. Et donc forcément, quand un mois avant l'événement sont annoncés Sony Shiba donc alias donc le père d'Xor, voilà, mais son rôle le plus connu pour le grand public, c'est quand même Torianzo dans Kill Bill. Donc le célèbre forgeur de katana, donc indestructible, tu peux tout couper avec plus coupant que Ginzu 2000. et bien sûr donc son fils, comme tu disais, Xor, donc Kenji Oba alias Archangel, donc Battle Fever G, Denziman, enfin bon, Denzi Blue. Et il a fait pas mal d'apparitions dans pas mal de tokusatsu aussi, parce que c'est vrai que les gens le limitent seulement à Xor ou de Sentai où il apparaît, mais c'est vrai que par exemple tu parlais l'autre fois de Sankukai. Oui, Sankukai, c'est lui qui fait la doublure de Staros. D'Ayato plutôt, non? Non, Staros. Non, Ayato, c'est lui-même qui ah, se voilà, fait. Ah voilà, je confonds toujours. C'est Staros. Ah, en même temps, les Asiatiques se ressemblent tous. Voilà, donc c'est pour ça qu'il met toujours sa main devant sa bouche pour pas qu'on le reconnaisse. Oui, si, oui, tout à fait. Voilà. Alors donc forcément quand ça tombe la nouvelle, et qu'en plus il y a un buzz derrière avec un certain Christopher Lloyd, donc alias, on va plus le présenter Marty maintenant, le doc, exactement, le docteur donc Emmett Brown, donc là c'est carrément l'engouement, et là donc avec Chris on s'était dit, et d'autres copains, donc là on fait un moment coucou malheureusement aux absents ce soir, donc TG Pictures qui n'a pas pu venir, un dernier moment, donc un imprévu dernière seconde, Fanny également si tu nous écoutes, coucou. Et Jean-Yves. Et bien sûr, Jean-Yves, voilà notre, notre pilote de l'extrême, donc, qui nous a fait faire l'aller-retour, parce que bon, nous, on avait choisi d'y aller que le samedi. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Au final, j'ai pu comparer avec d'autres personnes qui sont allées que le dimanche. Et donc mieux le dimanche ? Alors, pour repartir sur la lancée de Chris, apparemment, ce n'était pas mieux le lendemain. Vous ne le savez pas, mais je tiens à préciser que Kenny est habillé en Xor civil. Là. En gavane. Voilà. Sochaku. Voilà, ici, je me suis pris en la Gordane, pluie. En Gordane, quoi. En Gordane, pour la VF, voilà. La version française. Alors, donc, effectivement... on avait pris des dispositions pourtant, puisqu'on s'était rappelé des erreurs de l'an dernier. Ouais, on était allé aux toilettes avant. On va dire qu'on avait le temps. Bah, en même temps, si tu passes 3 heures dans à faire le tour pour trouver une place, t'as plutôt intérêt à pas avoir envie. Oui, alors c'est ça en fait, si tu veux, c'est que je parlais du buzz par rapport aux invités. C'était à prévoir qu'il y aurait du monde, mais en même temps, nous, on n'avait pas pensé que ça allait être à ce point-là. Oui. Parce que, comme il disait, donc, déjà des embouteillages, certes, au niveau de la porte de Versailles, donc le 15e arrondissement de Paris, tous les parkings sont complets. D'accord. Ouais. Et t'as beau avoir des préventes, bah t'attends comme tout le monde. C'est vrai que ça soit à l'entrée ou même avec les photoshoots, parce que c'était marqué noir sur blanc sur le site de Paris Manga, si tu payais ton photoshoot, donc si tu le précommandais, que ça soit donc le photoshoot d'ailleurs ou la dédicace, tu avais donc la possibilité d'avoir ta photo ou ta dédicace, c'était sûr, même s'il y avait un désistement de dernière seconde. Mmh. Et surtout, c'était marqué aussi qu'on était prioritaire. Exactement. Et donc, tout le monde s'est retrouvé donc, dans les files, que ce soit donc, les personnes qui avaient la prévente et donc qui avaient réservé, et ceux qui prenaient leur ticket 5-10 minutes avant. Donc, des files vraiment infernales et des heures d'attente. Donc, un gros couac au niveau de l'organisation, puisque finalement, on se Alfred dit... G-couac. On Exactement. Se dit finalement, ouais. L'aspect prévente, c'est un petit peu du marketing. On appâte un petit peu les gens en leur disant « Attention, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de voir l'artiste, c'est pour peut-être vendre plus de tickets, j'en sais rien, mais en tout cas, ce n'est pas très heureux la manière dont c'est organisé. Au final, vous n'avez pas d'avantage de le prendre, la prévente, même la veille, puisque tout le monde est passé. Hein. On avait un petit peur pour Christopher Lloyd, il y avait plus de 100 personnes et tout le monde est passé. Donc, gros coup de gueule par rapport à cette histoire de prévente quand même. Oui, surtout en plus, comme disait Chris, effectivement, on avait la prévente, on ne passait pas devant. Et en plus, quand on avait le pari de faire qu'une seule journée et qu'on voulait voir deux invités, à savoir, donc, nous en l'occurrence, c'était surtout Kenji Oba, Sonny Chiba et Christopher Lloyd, les photoshoots tombaient en même temps. Ah ben, bien sûr. Alors là, c'était vraiment la totale. Donc, nous, on allait voir, on ne s'est pas démonté, on allait aller voir le staff, on leur dit voilà, nous, on a fait une précommande et on veut voir les deux artistes. En plus, on paye, alors merde. Exactement, donc je vous rappelle les prix. On compare par rapport à l'an dernier, c'est là que en fait, ça commence à se gâter, c'est que on a l'impression que Paris Manga devient un nouveau Japan Expo. Parce que l'an dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait de duo, c'est-à-dire que si on prenait des photos avec Charivan et Lily, ou Force Rouge et Force Rose, on payait seulement une photo, on ne payait pas deux fois 20 euros. Là, en l'occurrence, ça commençait un petit peu à tousser avec Sonny Chiba et Xor. Forcément, le but, quand tu connais autant les films de Tarantino ou Kenji Oba, c'est d'avoir les deux sur la même photo. Et quand tu vois que sur la même photo, c'est pas 20 euros, mais bien 20 et 25 par personne, déjà, ça commence à te faire tousser. Mmh. Sachant qu'à la base, en plus, les Japonais, si tu commandais sur Internet, si tu faisais, donc, comme tu disais, les précommandes, tu payais pas la dédicace. C'est quand on est arrivé sur place qu'on nous a dit, au final, la petite griffe est payante. Donc, tu vois, on les enchaîne vraiment au niveau de la surprise. Après, ça restait encore, on va dire, accessible au niveau du tarif, parce que le plus cher, donc en même temps, c'est pas tellement étonnant, hein, c'est Christopher Lloyd qui demandait la modique somme de 55 euros juste pour la photo. Alors, on m'a dit, tu vas me confirmer ou non, hein, oui, oui, que tu avais la possibilité pour 55 euros d'avoir la photo et la dédicace dessus. Du tout. Non, non, c'est bien, on est bien d'accord qu'il fallait payer séparément et qu'il n'y avait pas de forfait, machin. Non, là, je t'ai amené la preuve, justement, Archangel. Donc, il a fait encadrer tout ça. J'ai encadré mes photos. Mmh. Comme tu peux voir, le grand absent sur mes photos, c'est qu'il n'y a pas de griffes. Eh oui, parce que tout était payant. Donc, t'as pas payé pour les griffes. Non, ça me. Quand même, faut pas déconner, ça s'est fait mal au cul, les photos. Hein. Voilà, il faut mettre les choses au clair. Quand on fait une griffe, on a très peu de chances d'avoir une dédicace qui est personnalisée. Ah oui, c'est un gribouille, puis c'est ça. Donc, vu qu'on est maintenant dans la génération de Photoshop, bah, autant détourer l'autographe qui est sur Internet et le mettre par le nom, c'est vrai. Tu fais bien de le dire, effectivement. Oui. Alors, autant pour Kenji Oba, donc, lorsqu'on demandait, on avait la possibilité d'avoir au moins une dédicace à se personnaliser à son prénom, donc ça, il le faisait. Par contre, Christopher Lloyd, c'était bien précisé, et son agent l'a dit plusieurs fois apparemment aux fans. Il n'y a aucune dédicace qui a été faite de manière personnalisée à Christopher Lloyd, c'était uniquement sa griffe, donc Christopher Lloyd. Et ça, je crois qu'on peut dire que c'est un scandale que tu payes 50 euros pour avoir le gribouille, le même que ton voisin. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, qui est important de le dire, et beaucoup de fans ont poussé un coup de gueule donc sur la page, parmi eux, il y avait nous, forum, de Paris Manga, c'est que elle se disait, je paye une dédicace, mais bon, je vais glisser au milieu un second magazine, une photo, etc. Ouais, comme ça, j'ai le droit à dédicace. J'en veux pour mon argent. Que nenni, c'était X prix par dédicace, c'est-à-dire que la personne qui veut 5 dédicaces en paye 5. Voilà, ma dédicace, justement, big up à notre ami Jean-Yves, qui est archi fan de Gavan. Voilà, c'est ruiné. Voilà, qui a dédicacé. Il a dédicacé 4 objets de sa collection cinq. Et il a payé 5. Voilà, en plus 5, carrément. Il n'a pas fait une ristourne. Non, même pas. T'imagines le délire. Donc rien qu'en signature de Kenji Oba, notre ami s'est ruiné. Et je trouve ça scandaleux parce que, si tu veux, l'an dernier, ce qui m'avait frappé, c'est que, justement, le staff était à l'écoute des fans. Il n'y avait pas de... On ne nous prenait pas pour des vaches à lait. Ok, il y a un côté où on payait la photo, mais au final, ça nous faisait tellement plaisir et c'était des prix abordables. Là, cette année, non seulement il fallait payer pour tout, comme disait Chris, mais en plus... Surtout, alors là, c'est vraiment où je vais vraiment être intransigeant, c'est le staff, son attitude par rapport à tous les visiteurs. On va dire que le dédain, ça aurait été bien, parce qu'à la rigueur, bon, il y a du monde, avec la fatigue, on peut comprendre. C'est quand même un gros travail de faire une convention aussi grosse que Paris Manga, surtout la gestion d'acteurs aussi renommés. Mais surtout, c'est vraiment l'agressivité du staff. Je dis pas ça pour tout le monde. Là, j'aimerais faire un petit coucou à Steph Miss Murder. Et j'ai mangé son nom, donc je vais l'appeler grand frère de Doms, qui nous a aidé quand il y a une erreur du staff. Elle a été très arrangeante avec Jean-Yves et moi, donc là-dessus, on les remercie. Malheureusement, tout le staff pas comme ça, la plupart c'était vraiment à l'usine. Par exemple, tu prenais Christopher Lloyd, comme disait Chris, quand tu avais fait ta photo avec Kenji Oba et tu avais plus qu'à retourner au bout de la queue pour faire la file d'attente, alors que tu avais pris ta précommande, on est d'accord. Donc j'ai attendu une heure entre Kenji Oba et Christopher Lloyd, donc j'étais super content déjà. Et si tu veux, donc moi ce qui m'a frappé, c'était surtout Kenji Oba, j'avais demandé personnellement le duo. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au début, donc Chris, toi, tu voulais que la photo avec Kenji, c'est ça, ouais, voilà, Kenji tout à fait. Et du coup, le staff nous fait rentrer avec Jean-Yves et on se dit, mais attendez, nous, on veut les deux acteurs. Non, rentrez, vous verrez, après, vous reviendrez, puis vous aurez la deuxième photo. Bon, ça y est, avec Jean-Yves, cool, on va avoir deux photos, en fait. Mm-hmm. Et non, elle s'était trompée, la personne. Et du coup, on était parti pour avoir une photo de Kenji Oba tout seul avec nous, oui, et une deuxième photo avec Sony Shiba tout seul. Mm-hmm. Donc imagine le délire. Et après, donc, si tu te rappelles de la vidéo que j'avais tournée l'an dernier, Archangel, tu te rappelles que mon entrée, bon, j'avais le scaphandre intégral de Charivan aussi, mm-hmm, hein, ça a aidé. Oui. J'ai fait le sexe-chat, soleil rouge, oui, donc puissance rouge pour le premier doublage. Non, pas le sexe-chat, hein. Sex-shop. Je me rends compte qu'à l'oreille, qu'on pourrait comprendre ça. Donc... Oui, mais c'est ce que j'ai dit pourtant. Sexe-chat, tout à fait. Voilà. Et tu te rappelles, donc, que ça avait créé déjà une complicité avec les invités japonais. Oui. Cette année, donc, comme j'avais pas le scaphandre d'Ixor, parce que Gavan, le faire en un mois, c'est vraiment tendu, quoi. Ah bah oui. Je me suis dit, bon, autant tendu essayer du string. Ouais, tout à fait. J'ai failli déchirer mon string en arrivant devant Kenji Oba. Bon, bref, ça, c'est une parenthèse. Je me suis dit, bon, autant être au moins en civil et mettre le casque pour rigoler. Alors, grande question, est-ce que tu as eu les mitaines à temps? Non. Eh non. Non, non, j'ai fait une erreur de calcul pour mon cosplay donc placard hein, de Gavan en civil, comme disait Archangel quand je suis arrivé. Non, j'avais commandé tout, donc j'avais trouvé des Santiago vraiment presque la même couleur que Gavan, une veste claire, donc des mitaines. Malheureusement, les mitaines, bah, elles sont toujours pas arrivées. Alors où je vous parle. Voilà, malheureusement, donc en direct, les mitaines sont pas encore arrivées pour faire le cosplay. Et donc je me suis dit, bah, autant avoir au moins le casque. Et donc là, je remercie donc Z le Rouge, le chanteur d'ACOH, qui m'a gentiment prêté son casque de Gavan. À qui on fait coucou d'ailleurs. Hein. Coucou donc ouais. À tous les copains, donc Fabio et tous les autres. Je vous rappelle que ACOH sera en concert à Japan Expo Sud. Ça sera le seul truc qui aura de bien à Japan Expo Sud. Oui. Donc voilà, disons-le. Si vous êtes dans le sud, et allez-y. Puis aussi à Fana Manga. Hein, voilà, dans Fana Manga, je vous rappelle que c'est le dernier week-end de février. Donc venez cette année, il y aura du lourd. On en reparlera donc plus en détail. Et si tu veux, donc pour revenir sur mon anecdote avec XOR, donc j'étais habillé en civil avec le casque de Gavan. T'imagines le truc. Qu'est-ce que je fais? C'est entre les deux en fait, c'est voilà. Entre 2 millièmes et demi de seconde. Il a planté un petit peu là, ce Gavan des années 2016, et j'ai commencé à faire donc le transmutation, d'accord, le Sochaku. Je faisais les pauses, j'avais presque fini. Hein. Donc tu me crois pas, Archangel. Et là, Chris était derrière moi. D'ailleurs, nous aurons limite, une preuve en image. Oh, voilà, c'est ça, mais j'attends toujours, Chris. Et si tu veux, donc c'est limite, ce photographe, il m'a bousculé pour que j'aille vite vers Kenji Oba. Ouais. T'imagines, hein? Bon, je fais bon, ok, il y a du monde, je peux comprendre. Ce qui est un peu fou hein, par rapport à Kenji Oba, c'est-à-dire que malheureusement, donc il y avait beaucoup moins de monde, et après, bon, c'est quelque part aussi compréhensible. Il y avait plus de monde pour Doc que pour notre bon vieux XOR. Bah, j'imagine bien. Voilà. Donc, si tu veux, le staff nous a conseillé d'aller voir XOR avant, bien sûr, avant d'aller voir le Doc. Donc, c'est pour ça, c'est ce qu'on a fait. Et malgré tout, on nous a quand même pressé. Puisque après, donc, je voulais à tout prix poser avec Kenji et mon casque de Gavan. Et j'avais du mal à le fermer parce que il y a un truc qui s'était bloqué quand j'étais en train de faire la transformation. Et c'est limite, il m'a crié dessus, hein, le photographe. Il m'a dit bon, si t'arrives pas à le faire, tu poses par terre. Moi, j'ai arrêté comme ça. Je dis voilà, détendez-vous. Dis donc, tu me causes autrement. Déjà, exactement. Hein. Non, parce que là, si tu veux, avec la fatigue, tu vois, ça commence à monter vite. Ouais, je lui dis comme ça. Je dis voilà, vous vous détendez. Je la paye la photo. Voilà, moi, je le casse sur la photo. T'as raison, blanc. Et clac. Et je paye, alors ta gueule. Et juste après, je l'ai fermé le casque. Mais t'as fermé sa gueule aussi. oui, parce qu'après, à chaque fois que j'ai croisé, ils m'ont regardé de travers. Hein. Tu me demandes à Chris. Alors, c'était quand même assez impressionnant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le coin. On va dire le. Au voilà. Shot non, non. Des photoshoots en fait. Le coin, enfin le. Pour les voilà, shoots l'endroit photo. Réservé au shoot photo. Oui. La presse était complètement interdite, exclue. Ouais. Donc que tu aies une accréditation ou pas. Que tu sois TF1 ou pas. Voilà, même si tu n'avais pas de photoshoot, c'était dehors. Ils voulaient absolument rien que se passe. Pas de photos, pas de vidéos, etc. Uh-huh. Donc il a fallu jouer un peu de persuasion. Et batailler aussi. Et batailler énormément pour pouvoir prendre une petite séquence très rapide des photoshoots nous concernant. Mmh. Donc voilà, sachant qu'on a eu exclu mais un petit avantage, oui. Parce que ça a été refusé à tout le monde, pas de photos. Voilà, on est les seuls à avoir eu un bout de vidéo avec Sony Shiba. Il a fallu jouer des coups non, même pas Sony Shiba, c'est vraiment juste Kenji Oba en fait. Kenji Oba. Hein. Parce qu'après on a essayé avec Christopher Lloyd, c'est limite si on a failli me prendre l'appareil de Chris dans les mains quoi. Ouais, ça m'étonne même pas. Le parce que les Américains ça va être carré, clac, clac, clac. Hein. Et pourtant j'ai joué le malade imaginaire, hein. J'étais comme ça, je filmais. Il dit monsieur, pas de photos, mais je prends pas de photos. Mais vous faites quoi monsieur là? Mais je prends pas de photos. Et vous moquez de moi? Ah non, je me moque pas de vous. Non, je suis en train de filmer. Oui, je suis en train de filmer. Voilà, ce soir, le staff américain de Christopher Lloyd ou le staff français dédié donc, à cet artiste, ils étaient très agressifs, oui. Vraiment pas sympathiques du tout. Ouais, et je trouve que c'est un petit peu déplacé parce qu'autant il y a des choses voilà, qu'on ne peut pas faire, mais un petit peu de tolérance on avec paye. Les fans qui ont payé quand même assez cher, on peut leur dire au moins gentiment si on veut pas qu'ils fassent des choses. Et on a trouvé vraiment excessif cette agressivité qui n'avait pas lieu d'être, finalement. Ah non, parce que tout le monde était super respectueux avec les invités, c'est ça le pire. Encore, il y aurait eu des groupies ou des gens un petit peu mal intentionnés qui riaient tout le monde, qui auraient été un petit peu agressifs ou insolents avec d'autres personnes. On aurait pu comprendre qu'il y aurait eu une, exactement. Voilà, une hausse du ton. Mmh. Mais là, c'était vraiment gratuit, c'était vraiment limite... je schématise le truc, mais c'était vraiment ça. C'est... Alors, toi, t'as payé? Vas-y, rentre. Alors, vas-y, bonne gorgée. Non, sors maintenant, sors. Mais attends. La clé, non mais c'était limite ça c'était vraiment l'abattage à la chaîne presque hein. C'était un peu ça. Alors ça s'est malheureusement pas arrangé non plus pour la partie dédicace. La partie dédicace cette année, pas de photos, pas de vidéos, rien. Donc on avait le droit de juste d'avoir sa dédicace parce qu'on l'avait payé et surtout voilà quoi. Donc là encore il a fallu jouer des coudes avec Jean-Yves, il a fallu que je baratine un petit peu le staff pour que j'ai, on va dire, une petite permission exceptionnelle. ce qui est quand même le comble quand on a une accréditation. Ça va que tu es un persuadeur. Oui, c'est vrai que là, big up à Chris, hein, parce qu'il a vraiment bataillé pour avoir cette petite séquence. Pour avoir le peu de collecteurs qu'on a niveau vidéo, parce qu'on est, je sais pas, on fait partie des rares, je crois, qui ont des rushs. Il y a énormément de témoignages, donc s'ils n'ont pas encore été effacés, vous pouvez le voir d'ailleurs sur la page officielle. J'aime bien ça. On a tout archivé, de toute façon. C'est trop tard. On a sur la page de Paris Manga de fans qui sont très déçus, dont notre Jean-Yves National aussi, il le dit sur sa page Facebook, voir remonter. Par cet aspect, parce qu'il a pu prendre aucune photo, lui-même s'est fait agresser d'ailleurs. On l'a traité d'emmerdeur. Ah oui, cache. C'est pas les petits mots. Donc voilà. Et il n'a pas pu prendre de photos, même pas pour poser avec Kenji Oba, mais de lui en train de faire la dédicace. Quoi. Donc, c'était heureusement vraiment, que j'y étais pas, parce que je sens que j'aurais dit autre chose. Moi, voilà, mais ça, je pense que ça aurait malheureusement pas changé grand-chose, et vous avez vécu quelque chose de plus sympa l'année dernière, puisque là, il n'y avait vraiment aucune possibilité au niveau des dédicaces. Ouais. Oui, non, donc c'est... c'était très compliqué, et donc on ne comprend pas cette attitude du staff, sachant que cette année, il y a eu énormément de monde qui a quand même pris des photoshoots, etc., qui a joué le jeu, entre guillemets, les fans, donc eux ne l'ont pas fait, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Tu sais que j'ai, vous avez, enfin les gars, j'ai entendu dire qu'il y avait... Il y a quelqu'un qui m'a dit. Je donne pas de nom, on est à la radio. Hein. Mais il y a une dame qui était venue avec son petit pour aller voir le doc de Retour au futur. Ouais. Donc le gamin était tout fou et tout, il avait une casquette à la McFly, donc celle du retour du deuxième film. C'était un chat, c'est moi et Pizza Cat. Exactement. T'es tout fou. T'es monstre aujourd'hui. Et donc tu sais que le gamin... Gamin, non, gamin. Pas... Exactement. Au moment où c'était son tour d'aller voir Lloyd, Christopher Lloyd, c'est limite si la sécurité a voulu empêcher à la mère de rentrer. Ah ouais. Tu sais que elle a commencé à suivre son petit. Ils lui ont dit attendez, non, les photoshoots c'est une personne maximum. Et elle lui a dit. C'est pas une personne. Elle lui c'est a dit oui. Elle lui a dit texto. Attendez, je vais pas laisser mon fils rentrer tout seul. Et là j'ai dit mais non, mais faut y arrêter à un moment. Là c'est vraiment de la connerie. C'est le mot par contre. C'est clair. Donc non après donc n'hésitez pas à réagir s'il y a des personnes donc là en direct. Tu peux donner le numéro Arcangel? Ouais, bien sûr. Vous pouvez même téléphoner au 04 73 90 52 61, 04 73 90 52 61, pour pester aussi sur Paris Manga. Pester, ou pas, voilà, ou donner d'autres choses qu'on n'a pas vues. Ou pas, parce que sinon... voilà. Sinon, si vous êtes trop timide, vous envoyez un message au 06 17 54 07 19 et je me porterai la voix à votre place et je dirai les trucs à votre place. 06 17 54 06 17 54 07. Je connais pas ton numéro, d'accord. Ce qu'il faut dire aussi, il y avait un coin voiture de superbes répliques. Ah oui, il y avait, donc il faut en parler de ça aussi quand même. Et donc il y avait la DeLorean, enfin une réplique de la DeLorean, voilà. Très bien faite avec l'intérieur. Voilà, il y avait tout. Oui, il y avait tout d'ailleurs, c'était il magnifique. Était allumé, c'était super, c'était super magnifique. Ouais. On avait aussi notre ami Kit de K2000. Qui c'est qui était un AV plutôt sympa. Alors là, un petit coup de gueule personnel que apparemment, d'autres était, personnes était bien vont partager. Ils avaient même pas allumé le fameux pas tout le long. Et on l'a eu à dire allez 20 minutes avant la fin du salon. Ils ont ça marchait peut-être pas. Allumer le truc, mais non, c'est quand même énorme. Non, parce que, alors ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux, c'est vrai que quand tu voyais les invités, tu voyais la voiture de Kit, tu voyais la voiture de la voiture de Michael. De Michael Knight, oui, oula, c'est pas la voiture de Kit. Il y avait aussi la Jeep de Jurassic Park. Exactement, donc tu avais plusieurs voitures issues de films. Ah oui, il y avait un Transformer qui se transformait pas aussi normalement, non? On l'a pas vu. T'as pas vu ça? Il devait être bien caché. Parce qu'ils annonçaient qu'il y avait une voiture de Transformer. On a vu un Transformers, mais c'était un cosplayer. C'était pas. Ah, et t'es en quoi? En Optimus Prime. Optimus! Alors, si vous voulez voir un aperçu justement des cosplays, parce qu'après, il y a quand même des choses sympas à cette convention. J'ai un petit message de Ced Le Rouge pour nous dire que les dédicaces d'Astéroïdes sont gratuites et illimitées. Et personnalisé et tout ça, voilà, c'est pour dire. Je lui répondrai en live qu'ils n'ont rien compris à la vie, parce que tout le monde fait payer, donc... Non, continuez comme ça, les gars. Je suis à fond avec vous, les gars, tout cœur. Moi aussi, je vous le dis, si un jour je suis célèbre, jamais je vous ferai payer pour avoir ma gribouille, jamais. Bon, conservez ce MP3, parce qu'on sait jamais, il va peut-être changer d'avis, c'est la crise pour tout le monde. Non, jamais. Jamais. Je suis contre, alors je vais pas le faire, je le fais déjà pas moi, alors... Oui, c'est vrai que bon. Et sinon, pour revenir au niveau du cosplay, si vous voulez un aperçu des cosplayers qu'il y avait le samedi et le dimanche, allez sur le Facebook de Geek Me More. En fait, ils ont fait deux albums, celui de samedi et celui de dimanche. Et c'est là que tu verras ton pote Optimus Prime, Arcangel, et aussi tu verras un Vegeta en train de danser. Bon, bref. D'accord. Tout à fait. Donc, pour revenir à l'expo des automobiles, effectivement, le truc de tout fan qui se respecte, c'était d'y aller, prendre des photos devant, dedans, etc. Ouais. Attention, depuis tout à l'heure, on parle de photos payantes, de dédicaces payantes. Donc, pour prendre les photos devant les voitures, c'était payant aussi. Tu m'étonnes. Combien C'était 5 euros. Oui. Ouais, bon. Bon, c'est sûr que comparé au reste, tu te dis que voilà. Oui, alors, comme l'a dit très judicieusement un fan, bon, c'est pas pour les 5 euros, mais au bout de la journée, ça, plus ça, plus ça, ça fait un gros ras-le-bol et on se dit que finalement, c'est un grand supermarché le truc. Ouais, puis c'est le principe, voilà, quoi. T'es une vache à lait. Exactement. Oui, oui. Alors, il y a eu un coup de gueule à passer concernant, on va dire, l'endroit où se situaient les conférences. Comme à la Japan Expo, bien sûr, très bruyant avec tous les bruits, les machins électroniques autour. On n'entendait strictement rien, on va dire, sauf si vous étiez confiné devant. Voilà. Ou l'oreille bien collée sur l'enceinte qui transmettait les... voilà, et ça crache. Alors je confirme qu'il y avait bien la voiture Transformer puisque j'ai un auditeur qui m'a envoyé la photo. D'accord, mais elle est bien cachée. Merci Grégory. Oui, Grégory Brun. Non. Non, non. D'accord, non, non, mais après sérieusement, c'est vrai que si t'es pas fan plus que ça Transformers, c'était plus intéressé par K2000 quand même et par Retour au futur. Alors les conférences sont, en tout cas pour celle de Kenji Oba, disponibles sur YouTube. Ça y est, elle y est déjà, oui. Elle y est déjà. Ouais, tout à fait. Donc vous pourrez voir un petit peu comment ça s'est passé. C'était plutôt sous forme de questions-réponses. C'était plutôt sympa. Les fans posaient un peu comme l'an dernier, de toute façon. Leurs questions. Et puis il y a eu quelques infos sympathiques, notamment pour. Sony Shiba. Voilà. Alors oui, donc tous les fans de Tarantino. Moi, personnellement, je le savais parce que je suis un petit peu son actualité. Tout le monde s'est posé la question au moment, est-ce qu'il y aura un troisième Kill Bill ? Parce que Tarantino en parle depuis longtemps. Mm-hmm. Il avait évoqué de faire une suite en reprenant donc la vengeance. Vous savez, la petite gamine au début de Kill Bill, dont la mère est tuée par Béatrice Kiddo, par Uma Thurman. Donc l'idée, c'était qu'elle se venge de Béatrice plus tard et que, qu'il attende que l'actrice, parce qu'il reprend vraiment toujours les mêmes acteurs, grandisse et que Uma Thurman soit un peu plus âgée. Et donc c'était tombé à l'eau parce qu'à un moment, il devait lancer la réalisation. Alors il y avait des rumeurs comme quoi ça devait être une suite en manga, enfin en animé. Enfin, il y avait eu beaucoup de pataquès. Et là, Sony Shiba a lancé une bombe pendant la conférence. Oh, attention, scoop! Ah oui, mince. Info scoop. C'est d'autres radios, ça, par contre. Je ne voudrais pas faire de la pub. J'ai dit info scoop. Et donc c'est bien confirmé, il y aura bien un jour un Kill Bill 3. Puisque Sony Shiba a été sollicité en tant que Hattori Hanzo. C'est pas énorme ça, c'est pas d'excuse. Oui. Moi je suis trop content. Alors ce qui faisait plaisir aussi, c'est qu'il a dit qu'il était un grand fan du cinéma français. Exactement. Qu'il était un très grand admirateur de, entre autres, Jean Gabin, Delon et Jean-Paul Belmondo. Et que son rêve avant de terminer sa carrière, ça serait de faire un film, ça va être chaud, avec ses acteurs ou en tout cas avec un réalisateur français. Voilà. Parce que Belmondo, il est pas. Il est pas trop en état de faire des cascades. Peur sur la ville, c'était il y a longtemps. C'était sympa comme message, j'ai trouvé ça. D'ailleurs, le public a apprécié. Absolument. Donc là, depuis tout à l'heure, on est sur le négatif quand même, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Positiver. Voilà, les trucs exactement. Tout à l'heure, on parle de Sony Shiba et Kenji Oba, ils sont fidèles à eux-mêmes, les Japonais, ils étaient d'une gentillesse absolue. Moi, personnellement, je ne sais pas si ça te l'avait aussi, Chris, quand je suis arrivé, on a déjà parlé. Poussez, monsieur, le casque, il va sortir, poussez. Non, mais quand je me suis retrouvé devant Kenji Oba, quand même, ça m'a fait quelque chose. Parce que ça me fait quelque chose. Si tu veux, déjà, quand il m'a vu arriver avec le casque, en tenue civile, et faire les mouvements du Sochaku, donc déjà, il savait plus où il était, déjà, Kenji Oba. Ils étaient vraiment super gentils. Quand je suis arrivé devant Sony Shiba, après, quand je suis revenu donc pour le duo, il était super souriant. Moi, j'ai éclaté de rire, et lui aussi, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un déclic à ce moment-là. Exactement. Donc, dédicace aussi à notre pote. Non mais sérieusement, ils étaient sûrement super gentils. Et même Christopher Lloyd, quand t'arrivais, donc si tu fais abstraction de tout ce stress, toute cette fatigue, toute cette violence du staff, tu te retrouves devant le doc, t'es en tenue, parce que moi j'avais quand même la veste de McFly et la casquette. Non mais si tu veux, pour lui en tout cas, quand tu vois les retombées qui ont été faites, donc que ce soit interview à la télé ou pour les journaux locaux, franchement Christopher Lloyd, pas les journaux de train, rien à voir, les locaux c'est... Local. Non, c'était pas dans la balle. On continue Archangel, hein, tu nous en veux pas. En tout cas, Christopher Lloyd, il a vraiment apprécié sa venue. Donc, faut pas oublier que, comme on disait dans la voiture, le plus proche qu'il avait fait comme déplacement, c'était en Belgique. Exactement, c'était ta première fois en France quand même. C'est énorme. Hein. Il était vraiment une exclue pour la France parce qu'il n'était jamais venu auparavant. Même en général. Pour Grand Rex. Grand Rex. Il était censé venir pour l'anniversaire et ça s'était mal groupillé. Même pas au Grand Chien. Non, pour le Grand Rex, il avait simplement fait un message vidéo dire bonjour aux gens, etc. Et c'est vrai que la plupart du temps, en Europe, c'est en Angleterre qu'il va se produire. Souvent, ça a été le cas au Comic-Con. Donc, oui, il était venu, oui, tout à fait. Donc cet été. Il était plus connu là-bas en même temps. Non, mais c'était. C'est un acteur qui a un succès mondial, donc quel que soit le pays. C'est ça, parce que c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage. Après, lui, il n'en tient pas ailleurs, c'est très bien, parce qu'on sait toujours qu'avec les acteurs américains, c'est toujours un peu particulier les dédicaces, parce qu'il y a ce côté pécunier, mais aussi, tu en as certains qui sont. Pécunier, c'est pognon, pour ceux qui ne savent pas. Parce que les mots compliqués, je ne vais pas expliquer. Pognon, c'est GN, c'est ça? Ou en plus, ou KF. Avec un oignon. Non, non, mais il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas comme dans leur personnage dans la vraie vie. Tu prends par exemple l'acteur qui fait. Chandler dans Friends, apparemment Matthew Perry en vrai c'est un gros pip. Ah, il déconne pas lui. Ah oui, il est pas. Il est pas comme moi, il dit pas les jeux de mots tous les 5 secondes. Non, apparemment que dans la vraie vie, si tu veux, quand t'es sa nounou, tu t'occupes de lui quand il est en déplacement par exemple en France. S'il était venu par exemple à Paris Manga, admettons, et que t'aurais été son chaperon, t'aurais été son esclave littéralement, et il t'aurait parlé comme de la pip. D'accord. Comme du caca. Voilà. Non, c'est vrai qu'il était très sympa, donc Christopher Lloyd. J'aime pas mettre les chaperons sur les tables. Donc il prenait les fans la main sur l'épaule, etc. Pour les photos. Parce qu'il avait la main génial, sur le cœur aussi, tu vois, là je rebondis là-dessus. Mais pour revenir sur Christopher Lloyd, il a pas fait que Retour à le futur. Hein. Oui, il a fait Star Trek 3 et ça, personne ne s'en rappelle. Mais il a fait la famille Adams aussi. Voilà, il a fait d'autres choses encore. S'il faisait un Klingon dans Star Trek 3, mais on ne le reconnaît pas forcément. Il a fait surtout, mince, mais oh, qui veut la peau de Roger Rabbit, quoi. C'est lui, le méchant. De mort. Mais oui, le juge de mort, c'est lui. Il a fait, oui, effectivement, la famille Adams. Il a doublé pas mal d'animés, en fait. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça dommage que pour eux, ce soit que. Il soit cantonné. Voilà. Comme le riz, je m'en doutais que t'allais la faire, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Et non, sérieusement, donc voilà, c'est comme disait Chris, il était super gentil. Moi, sur ma photo, je suis carrément, voilà, limite dans ses bras, parce que quand je l'ai vu... C'est très sympa. Voilà, merci pour ton billet de 50. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'alors, faut pas oublier une chose, c'est que c'est vrai qu'on râle sur le prix, mais... sur le principe, déjà. Oui, le mais après, même sur le prix, mais après, si tu veux, il faut pas se leurrer. Hein. Tu prends quelqu'un, Christopher Lloyd, l'argent qui est demandé, voilà, exactement, le côté pécunier. Pas dans sa poche. Exactement. Faut pas oublier que lui, il y a la prod derrière et l'agent qui doivent sûrement prendre l'argent. Oui. L'argent. Qui est pas sympa du tout d'ailleurs ses lunettes noires. En plus, plus les gens ils ont du pognon et plus ils sont désagréables. T'as remarqué ça ? Digne d'un méchant de Nicky Larson. Ouais, Larson pour le coup, garçon, c'était pas Christopher Lloyd là, le juge mort. C'était. Bon, bref, son agent. Alors je profite d'une petite pause dans vos paroles pour dire que nos amis d'AstéroH voudraient que les auditeurs leur disent quel est leur générique préféré afin qu'ils le reprennent si d'aventure c'est pas déjà fait. Et d'aller voir bien sûr leur clip qu'ils ont fait pour leur reprise de Jace et Conquérant de la Lumière. Donc AstéroH sur leur Facebook, tout ça, vous y allez. Et j'ai aussi un message pour toi, Kenny, que tu seras le seul à payer ses dédicaces si tu veux pour AstéroH. Voilà. Ah d'accord, ok. Donc c'est vraiment interactif ce soir, j'adore. Voilà, donc en tout cas, je suis content de voir qu'on fait l'émission que pour une personne. Ah non, au moins 3. Ah oui, c'est vrai. Parce que j'ai quelqu'un qui a voulu que je chante et il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo. Alors je remercie les 3 éditeurs de ce soir. Pourtant, on parle de Paris Manga. Hein. Non, il y a peut-être plus, mais ils se manifestent. Oui, oui, pas, il y a les petits Ahmed à Castor et sans sport, tu vois. C'est ça. Et ouais, donc sinon, Chris, c'est vrai qu'on parlait de le côté pécunier, tout ça, mais ça reste quand même une très bonne convention. Il faut dire ce qui est. Alors il y a beaucoup de gens qui appellent ça pourri manga quand même. Oui, mais non. Tous ces aspects négatifs dont on a parlé prennent le pas. Il y a encore la rancœur, bien sûr. Parce qu'on est, c'est tout chaud, c'est tout frais. La pilule passe pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à comparer ça à Japan Expo avec le côté négatif. Oui, Japan Expo, c'est aussi de la merde. Donc attention à Paris Manga, il va falloir qu'ils rectifient le tir pour les prochaines, histoire de ne pas tomber dans ce créneau-là. Voilà, ça va être compliqué au niveau de l'image et peut-être au niveau de certains fans qui vont complètement boycotter du coup. Oui, parce que là, c'est, voilà, on disait tout à l'heure en début d'émission, c'est vraiment le côté convivial bon enfant qui est parti au détriment. Du côté vraiment business cette année. Ça. Tout le monde, enfin personnellement si tu veux, quand j'avais fait mes deux photos, j'avais grillé quasiment toute ma journée. Parce que comme on l'avait dit, tu fais la queue pour l'entrée alors que tu as la prévente, tu fais la queue pour les photoshoots alors que tu as commandé sur internet avant donc de partir. Donc tu as la prévente aussi. Voilà, de partir. Et si tu veux, à la fin, quand tu as tes deux photos entre les mains et tu dis voilà, j'ai payé pour ça et que tu as plus de sous pour la dédicace et que de toute façon on te fait bien comprendre, si tu n'as pas payé pour la file de dédicace, tu as juste à partir. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Pas rester ici, monsieur. Si tu veux, t'as un goût amer parce que tu te dis attends, j'ai payé le déplacement. Nous, on a de la chance parce qu'on a réussi à s'arranger entre nous, entre amis, on a fait du covoiturage. Pour que ça ne vienne pas trop. Ça nous a presque rien coûté. Là où on a mis notre argent, c'est surtout dans les photos et les dédicaces. Mais... Et tu te dis attends, on est venu que pour ça. au final, quand tu fais les stands après, derrière, tu n'oses plus rien acheter parce que tu n'as plus rien, tu es ruiné. Tu as fait ta photo avec Kit, tu as fait ta photo avec Christopher Lloyd, tu as dédicacé toute ta collection de Gavan, enfin, tu n'as plus d'argent après derrière. Tu vois, donc il faudrait un moment que je pense que le gros défaut de Spy Manga peut-être, c'est d'avoir eu trop de grosses têtes d'affiche en même temps, parce que c'était obligé, que ça coûte trop cher à la convention déjà. Voilà. Donc eux, ils étaient obligés de retomber sur leurs frais, et manque de bol, c'est retombé sur nous. Les fans. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que donc pour l'édition précédente, qui était en novembre, qui était pourtant le 20e anniversaire, il n'y a pas eu d'invité aussi prestigieux, et ils ont tout mis. Il y avait Gimli quand même. Il y a un acteur de Game of Thrones qui arrivait déchiré. Mais ils avaient mis quelques têtes d'affiche, mais pas comme là. Alors que là, c'était énorme. C'est plutôt curieux, effectivement. Après, ce qu'ils auraient pu faire, ils auraient pu être sympas avec les fans, faire des packs pour ceux qui voulaient les deux, par exemple, faire et puis plus de un petit peu plus de facilité, quoi. Oui, là, alors justement, je ne sais pas si tu te rappelles, Chris, dans la file d'attente pour voir XOR, on avait sympathisé avec un autre fan. Oui, donc, exactement. C'est ce que j'aime dans les conventions. Qui avait acheté le fameux pack VIP aussi. Hein, c'est alors justement, c'est là où je voulais en venir. On va en parler de ça. Il avait le fameux pack. Donc voilà, il y avait beaucoup de rumeurs autour de ce pack VIP à 150€. Alors il y avait des gens qui pensaient qu'avec ce pack, tu pouvais faire autant de photos que tu voulais. C'est faux. Bah non, ça aurait été trop beau. Qu'est-ce que tu crois ? Non, ça aurait été tellement simple, tout le monde aurait fait ça sinon. Non, avec ce pack VIP, tu pouvais donc passer devant tout le monde et soi-disant, tu avais un repas offert. Le repas, il l'a pas eu. Eh ben voilà. J'en profite aussi de vous dire que Vali aussi nous écoute, bien entendu. Salut Vali. Chouette, on est quatre. Salut Vali. Voilà, c'est cool. Non, mais il y a plein de gens qui nous écoutent, évidemment. Vous faire la liste non plus. On est un petit comité. C'est évident, je veux dire. Il y a peut-être des gens de Paris Manga qui nous écoutent, d'ailleurs. Bah, oui, j'espère bien. On leur passe le bonjour, effectivement. Bah, donc, c'est vrai qu'on a déconné avec certaines personnes et c'est vrai que c'était sympa. Mais non, c'est vrai qu'il ne faut pas que... Là, si tu veux, avec cette édition-là, Paris Manga joue son image. Parce que, comme disait Chris, le Facebook, il est incendié de critiques. Des fois, c'est vrai, peut-être, c'est un petit peu virulent. Mais enfin, on est encore dedans, nous. On a vécu ça il y a deux jours. Exactement. On a vécu ça de l'intérieur. Et si tu veux, quand tu arrives déjà... T'es dedans, de l'intérieur, fais attention. Hein. Ouais, c'est ça. Tu ressors, tu rentres. Bon. In and out. Non, mais si tu veux, sérieusement, te dire que tu arrives devant les invités, donc à la base, c'est quand même pour ça que tu viens, que tu es déjà énervé et fatigué, tu vois, t'as un mauvais a priori pour commencer la convention. C'est ça que je trouve dommage. Ouais, c'est ça. T'es déjà chaud, toi. Et si tu veux, moi, je me suis pas démonté, je suis allé voir au niveau du stand, tu sais, où tu pouvais justement quand même acheter sur place tes photoshoots et tes dédicaces. Ouais, tu peux toujours acheter, il n'y a pas de problème. Ah ouais, sur place, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Donc si j'avais su, j'aurais fait pareil, parce que d'une manière, tu passes pas devant, hein, de toute façon, j'ai envie de dire. J'aurais dit, voilà, attendez, moi, j'ai regardé sur votre site de pré-vente. J'ai vu noir sur blanc que dans les dédicaces, il n'y avait aucun acteur japonais. Donc normalement, on est censé faire comme l'an dernier, avoir la photo qui est payée, et après on est censé pouvoir la dédicacer. Tu sais ce qu'on m'a répondu ? On nous a dit, écoutez, à la base, c'était pas à nous de nous occuper, mais on s'est retrouvé à gérer le truc, et du coup on les a fait payer. C'est-à-dire que ce que j'ai compris en filigrane, c'est que ça aurait été la team qui aurait dû s'en occuper à la base. Alors je sais pas si c'était Tokuscope ou d'autres personnes. Non, je pense pas parce qu'ils l'auraient fait. Non, parce que même Tokuscope, j'ai vu Jordan qui disait que même eux, pourtant, quand même, par rapport à nous. Effectivement, même eux, on les a embêtés pour pas dire autre chose. Ils ont de l'avance pourtant pour nous. Ils ont le chat sur place, ils connaissent un petit peu le lieu. Même eux, ils sont taclés. Imagine le délire. Quoi. Non, mais j'imagine. Ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils ont voulu. Hein, oui, j'imagine. Donc non, c'était bizarre parce que c'est moi ce que je disais à Adam, c'est attendez, donc ça veut dire que donc il faut payer encore une fois. En gros, c'est ce que je lui ai demandé littéralement. Ah mais à chaque fois c'est ring. Vous imaginez, je dis moi j'ai pris une photo. Voilà, je vais le dire à tout le monde. Moi j'ai pris donc la photo avec Sonny Chiba, avec Kenji Oba et avec Christopher Lloyd. Donc trois invités m'intéressaient. J'ai payé 100€ juste pour les photos. Ça fait mal. Juste fait les photos. Ah oui. Ouais. Donc ça veut dire qu'il fallait rajouter les 12,50€ de l'entrée. Oui, ça fait mal. Voilà, on est d'accord. Et après, donc, nous, on a réussi à s'arranger pour les frais de covoiturage et de péage. Donc nous, je pense qu'on fait partie des rares qui ont payé seulement 20€ pour faire les retours entre Clermont et Paris, péage compris. Voilà. Donc voilà, moi, je mets tout le monde au défi de payer moins cher que ça. Parce que normalement, covoiturage à 25€. Tu peux regarder sur le fameux site Blablacar. Tu fais que l'aller à ce prix-là, donc normalement. Et donc, si tu veux, voilà, nous, on avait essayé de limiter les frais. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a beau essayer de trouver, enfin, de se rappeler des bons moments, parce que quand même, ça a des bons souvenirs d'avoir rencontré tous ces invités. C'est quand même des grandes stars. Mais il y a toujours ce goût dans la gorge qui reste. Voilà, donc les seuls bons moments, finalement, seront ces quelques secondes, voire quelques minutes, oui. en compagnie de ces immenses invités, stars. Ouais, ouais. Ces mais parce invités, que à ce prix-là, tu les vois furtivement. Quoi. Et de leur gentillesse. Mmh. Hein, voilà, c'est ça qui est. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que Kenji Oba, donc il a fait énormément de photos quand même, hein, parce qu'il y avait pas mal de fans. Oui, oui, oui, il a salué tous les fans. C'est-à-dire, quand tu arrivais, il faisait le salut très poli à la japonaise. Absolument. Il avait un petit sourire, etc. C'est très respectueux. Et donc, je vais apporter un bémol parce qu'il y a beaucoup de gens qui font partie du staff ont dit aux personnes, enfin certaines personnes qui se plaignaient, oui, mais de toute façon, c'est pas de notre faute, on est obligé, c'est les contraintes des artistes, etc. C'est faux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les artistes, souvent, veulent faire des choses, mais le staff on les de empêche. Paris Manga leur il interdit. Il les bride, si j'ose dire. C'est ça. Exactement. Il y a un fan, d'ailleurs, qui en parle sur la page donc, Facebook. Il a demandé à Kenji Oba de pouvoir faire une photo. Kenji Oba lui a dit oui. Et donc, la personne qui l'accompagne, qui fait partie de, du staff de Paris Manga, a refusé et l'a houspillé. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit Kenji Oba ou Christopher Lloyd, oui. Il y a des fans qui ont eu la chance de les voir en dehors, c'est-à-dire juste après leur sortie de resto, c'était l'hôtel ou resto, peu importe, et qu'ils ont posé quand même. Et là, c'était gratuit. Donc, les artistes, ils ne sont pas contre. Je pense que quand on a une démarche positive, on est gentil, etc. Ça ne pose pas de problème. Moi, Hiroshi Watari, quand je lui ai demandé de faire une photo l'année dernière, il a accepté gentiment et je n'ai payé rien du tout. Donc, il ne faut pas, il ne faut pas que donc, le staff de Paris Manga se cache derrière les artistes en disant « c'est pas nous, c'est eux ». C'est complètement faux. C'est eux-mêmes qui ont instauré ce climat et ces règles pour cette édition, ce qui n'était pas le cas pour les précédentes. Tu fais bien de le préciser parce que ce serait dommage de s'en prendre aux stars en leur en voulant alors qu'ils sont pour rien. Oui, oui, attention, faut pas faire d'amalgame parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on parle du côté pécunier, on parle aussi de des choses que les fans ont été privés hein, quelque part, c'est vraiment c'est le cas de le dire. Mais après les stars ils sont pour rien parce que eux ils sont là, ils ont largement fait ce qu'on leur a demandé et encore même plus parce que comme tu disais ils ont été vraiment gentils avec tout le monde. Imaginez par exemple vous prenez le doc, il a quand même 77 ans Christopher, hein, et ouais. Malgré tout il a fait le déplacement, il a dédicacé plus de 300 photos, il a pris plus de 300 photos. Tu sais que le lendemain, justement, j'ai des amis qui ont fait le même périple que nous. Le lendemain, dimanche, c'était pareil. C'était toujours des écarts de planning, des retards, des files d'attente, alors qu'on nous avait promis en prévente d'être prioritaire, etc., etc. Donc non, il n'y a pas eu de traitement de faveur le lendemain. Non, mais ils ont tous joué le jeu. Hein. Ouais. Alors, ce qui est une petite anecdote, ce qui était drôle aussi avec Kenji Oba pour les photos, XR. C'est que voilà, vous y allez, cool, etc., et vous faisez un sourire très gentil. Gratuit, mais si vous preniez la pose donc un peu guerrière, il faisait son regard de tueur à la XOR, quoi. Voilà. Il jouait vraiment le jeu. Ouais. Ça, c'était génial. Ah oui. D'ailleurs, c'est donc l'ami Thibaut, il a fait une photo comme ça, il a pris la pose et du coup, instinctivement, notre ami Kenji Oba est à fond et il nous joue Gabane. Quoi. Voilà. Ça, c'est sympa. Ça, c'était super. Génial. Mais c'est vrai que voilà, je rejoins tout à fait Chris là-dessus. Quand je vois les deux photos que j'ai avec Kenji, c'est que j'aurais préféré que sur celle où je suis tout seul avec lui, il fasse justement la pose du Shoshaku avec le regard un peu sombre, voilà. Méchant. Parce que moi, du coup, j'ai deux photos où il sourit. Après, c'est pas que. C'est bien aussi. Voilà, hein, c'est je regrette pas non plus. On voit qu'il est. Mais franchement, quand j'ai vu les photos des autres, j'ai fait waouh, carrément la pose du Shoshaku avec le regard vraiment qui est intact. Ça, c'est la classe par contre. Après tant d'années. Et il avait rasé sa moustache. Oui, justement. Tu vois, moi, je réagis là-dessus. moi, je vous rappelle que Kenji Oba, je l'ai raté deux fois. Hein. La première fois, j'étais avec Archangel, Greg et Oshi. Donc, coucou les autres, hein, si vous nous écoutez. On était allé voir pour Cartooniste en 2002, on y allait le samedi, c'est le seul jour où il n'était pas là. Donc autant dire qu'on y allait beaucoup. Putain, on a fait mourir en venant. Oui, en plus, hein. C'est un long périple. Et la deuxième fois, c'est quand notre ami Archangel a eu la chance de le voir, c'était Cartooniste à Nice. The place to be. Donc pour moi, tu ne l'avais pas vu. c'est vrai. Parce qu'il a la moustache. Exactement. Moi, franchement, nous, on peut se vanter d'avoir vu XOR parce qu'il n'a pas sa moustache. Là, c'est le vrai pour le coup. C'est vrai que j'étais vert là-dessus. Et du coup, il était là avec son Photoshop et c'est Archangel. Bon, je vais l'enlever. Non, là, il avait vraiment sa veste marquée Gavan et tout. Et il avait son look. Mais il avait la veste à Nice. Hein. Oui, la veste, il avait. Je lui avais même demandé où est-ce qu'on pouvait se la procurer. Tout à fait, oui. Alors, c'était sa quatrième venue en France. Oui, donc, quand même, hein, c'est pas rien. Quoi. En 2008, il était à Chibi Japan. Oui. Donc le mini Japan Expo. Oui, oui. Ah oui, ce truc-là. Quatrième, c'est vrai, exact, oui, pardon. Donc quatrième fois, on espère que c'est pas la dernière, qu'il reviendra. Bien souvent. Et que ça se passera mieux et qu'on le verra plus longtemps. C'est là justement où je t'ai envie, Archangel. Parce que toi, tu m'expliquais qu'à Cartooniste, tu avais vraiment pu prendre le temps. Ah, on l'a interviewé. Voilà. Bah, on l'a diffusé sur Manga. Dis-toi que moi, j'ai même pas pu faire la transmutation en entier. Tu verras les vidéos, on m'a interrompu quand même. Et la transmutation d'XOR, elle est quand même pas longue, tu vois. Ouais. Donc bon, oui, ça sonne, pas de réaction. Toujours pas. On n'est pas écouté plus. C'est des coucous divers et variés. Si, si, la preuve qu'on les écoute beaucoup, tu vois, c'est que ça réagit beaucoup ce soir. Hein, donc, je ne sais pas si ça l'effet enfin, Paris Manga. C'est dommage que les gens disent juste idem. Moi aussi. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Ça me rappelle quelque chose. Tant mieux s'ils sont d'accord. Hein. C'est mieux que s'ils disent vous racontez de la merde. Moi, j'adorais ce salon. C'était trop pas cher. Mais justement, ça aurait été intéressant de voir le. Bah, non, mais ça n'existe pas, les gens qui vont dire ça. Je pense qu'aussi, parce qu'après, nous, on est axé sur les invités. Moi, je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont allés alors qu'ils sont pas. Il y a des gens qui viennent juste pour les activités, hein, que ce soit cosplay, cours de chant. Il y en a qui viennent juste pour acheter quelque chose. Et qui ont trouvé ça génial aussi. Il y a des commentaires comme ça sur la page. Tout à fait. Et je te rappelle qu'il y a aussi des gens qui viennent pour jouer aux jeux vidéo aussi sur place. Exactement. Hein. Attends, faut pas croire, il y a quand même des tournois, etc. Après, je profite de, quand même de cette émission donc, pour faire un coup de gueule au niveau des photographes, parce que je vois qu'en plus de 10 ans, ça n'a pas changé. C'est pire, même. Non, écoutez-moi bien, c'est simple. Amis photographes, vous êtes bien photographes, vous devez photographier, donc prendre des clichés de tout le monde, de tous les cosplayers. Et force est constatée que depuis le temps, ben, vous prenez toujours des photos que de cosplayeuses. Ah oui, c'est parce pas que faux. Moi, quand je suis allé voir les photographes, tu vois, en McFly ou en Gavan, parce que je voulais marquer le coup, on m'a littéralement envoyé bouler. Hein. Et je me suis dit, bah écoute, pas de problème. Je vais pas te déranger plus longtemps. Pas de soucis, pas de sushi. Je m'en vais comme un prince. Attends, en fait, regarde ma photo. Moi, je l'ai vue, moi. Allez, au revoir, ciao. Ça, c'est fait. Non, bah, c'est normal, c'est vrai que ça aurait été bien que tu sois avec nous. Alors, Angel, comment c'est que t'avais pas voulu venir, toi, au fait? Parce que ça coûte des sous tout ça et puis je vais faire d'autres conventions dans le mois alors. Oui là, oui bien sûr non mais c'est vrai que j'irai craquer dans la baraque choix. Tu vois. Oui, oui, tout à fait. Moi j'irai à Japan Tour donc voilà et je verrai Igarashi donc l'auteur de Candy. On va interviewer en exclusivité. Il y a 3 interviews qui sont prévues le samedi. C'est cool, Japan Tour, donc c'est bon pour Génération Manga. Voilà. D'accord. Alors je vais te faire plaisir figure-toi que en même temps je suis multitâche. Là ça. Je ne sais pas si tu as vu sur le net il y a une vidéo où ils ont incrusté des digits de Street Fighter 2 dans des séquences de vidéo gag un peu. Oui, tu vois ou floufoque, oui, si, si. Voilà, et je m'aperçois qu'il y a XYZ63. Les fameux cosplays que vous aviez fait donc, sont dans cette vidéo qui a fait plus d'un million de vues. Donc, oui, tout à fait. Donc, quelque part, ça buzzait. Non, mais après, c'est. Oui, savoir. Oui, effectivement, je l'avais vu. Oui, c'est quand t'as des personnages comme Blanca ou. Voilà, ou c'est IGN Brasil. Hein. Si vous voulez faire ça. Voilà, tu mettras le lien de façon. Je mets sur ma page. Oui. Donc là, tu en parlais en début d'émission. Donc là, malheureusement, c'est presque la fin. Réservez, si vous êtes en Auvergne, réservez votre dernier week-end de février. Pour la Clermont Geek Convention. De février, non. Fin février, c'est Fana Manga. Ah, bah, bravo, alors là, super. Ah, ça y est, il est perdu. Complètement. Ah, je mélange tout. C'est plus tard, c'est vrai. Et c'est le mois prochain, c'est pas grave. C'est en mars. Exactement. Et ça repart, tout à fait. Voilà. Non, donc cette année, donc je vous rappelle que oubliez vraiment tout ce que vous avez connu sur Fana Manga. Cette année, il n'y a pas moins de 30 exposants. Et au niveau du cosplay, on a vraiment mis l'accent sur la qualité. Donc si vous avez vraiment envie de passer un petit bon doigt m'a dit qu'il y aura des chevaliers du Zodiac avec des putains d'armures. Alors, je sais pas. Oui, il y aura même des personnages de Mortal Kombat si tu veux savoir. Ah ouais, bah, tu vois mon petit doigt il me dit voilà. Plein de choses. Je peux pas vous en dire plus, tout ce que je peux vous dire c'est qu'avec les poteaux de FanCorps, poteaux télégraphiques non les amis si tu veux, les potes si tu préfères, c'est trop de l'argot peut-être ouais, d'accord, ouais. Les copains, voilà. Tire l'argot. Voilà, c'est ça. Ceux qui partagent le pain avec moi, on vous a prévu vraiment plein de surprises et un super show avec des nouveaux costumes et des nouvelles prestations. Exactement, donc Jackie Show Part Le Gain, le super G.I. Joe et le Kenny Show. Donc voilà, on vous attend nombreux parce que ça va vraiment être un très bon moment. On a vraiment prévu beaucoup de choses. Surtout qu'en plus, je vous donne juste un tout petit tips. La télé sera là pour couvrir tout l'événement. Donc imaginez. Ah, il y aura la télé, mais une grande télé. Hein, je veux dire, c'est pas. Oui, il y aura France O. Télé Languedoc au Sillon. France O et une télé étrangère. Et ça, j'en parlerai plus. Télé étrangère. Voilà, j'en parlerai plus longuement avec. C'est pas la classe. Avec mon ami Rio, si jamais il peut venir avec moi donc, dans une émission. Donc avant l'événement, bien sûr, on en parlera. Voilà, de toute façon, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Hein, et ça voilà, sera exactement. Pas un arslarf. Nigo, transmutation. Voilà, exactement. Donc, je suis un petit peu perdu. Je vais vous mettre un générique, vous inquiétez Domo, pas. Domo, vous avez dit Domo. Et ben, on se quitte en musique avec AIM. Voilà, de Noam. Doc hey. Allez, à la prochaine. Ciao. Bouh. Je t'ai dit